bel album. Je suis le chanteur du groupe qui s'appelle Sonotone Impérial. Cet album, c'est de la bombe de balle. On va changer le visage du heavy metal. Yeah! Les zombies sont à fond, on est collés au mur. La puissance du rock coule en nous comme de la drogue dure. Nos tympans sont en titane, et nos cœurs en béton et nos cases en méthane. Et là je vous dis, on va changer l'histoire du rock. On va changer l'histoire. L'histoire du rock, l'histoire du rock. Le sang du rock ancestral, du temps des dinosaures, coule dans nos veines, bat nos tempes. Retrouve à tout côté rock bestial, yeah. Les Beatles peuvent aller se rhabiller. On enterre les plus grands, Hendrix, les Stones, Queen et les Mustang. Et tous les autres groupes de rock. Et là je vous dis, on va changer l'histoire du rock. On va changer l'histoire. L'histoire du rock, l'histoire du rock. Autant de la préhistoire, les guitares étaient en os, les batteries étaient en bois, et les amplis étaient en bois aussi, yeah. Il y a bien longtemps, dans le cœur magmatique de la Terre, quand celle-ci était encore tempêteuse et volcanique, naissait cette puissance inégalable et dévastatrice de l'esprit même de la planète. Surgit le rock initial, cette force incroyable qui coule aujourd'hui dans nos veines. Yeah! On peut changer l'histoire du classique aussi. Y'a pas de raison, pendons-nous tout de suite un hommage à Vivaldi. La terre explose, la puissance du rock est dans l'air. La barbe nous pousse, on est des bûcherons. Le rock résonne en nous, depuis Cro-Magnon, yeah. Vous voyez, on vous l'avait bien dit, qu'on allait changer l'histoire du rock. Ce soir le rock a une force infinie. On est en train de changer l'histoire du rock. Ça y est, c'est fini. On a changé l'histoire du rock. On a changé l'histoire. L'histoire du rock, l'histoire du rock. Allez, c'est fini. Entrez chez vous, y'a plus rien à voir. On a changé l'histoire. L'histoire du rock, l'histoire du rock.